Voici maintenant six poèmes, extraits des Amours, de Cassandre, de Marie, et enfin Hélène. Comme un chevreuil. Comme un chevreuil, quand le printemps détruit du froid hiver la poignante gelée, pour mieux brouter la feuille emmiellée, hors de son bois, avec l'aube s'enfuit, et seul, et sûr, loin de chiens et de bruit, hors sur un mont, hors dans une vallée, hors près d'une onde à l'écart recélé, libre, folâtre où son pied le conduit. De reine d'arc, sa liberté n'a crainte, sinon alors que sa vie est atteinte d'un trait meurtrier empourpré de son sang. Ainsi j'allais, sans espoir de dommage, le jour qu'un œil, sur l'avril de mon âge, tira d'un coup mille traits en mon flanc.